إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف المؤلف رحمه الله الإمام البردهاري رحمه الله ولا يقول في صفات الرب في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شك في الله تبارك وتعالى يعني يسأل لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا بل يسلم لله عز وجل لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. Point numéro 12 qui se raccroche au point numéro 11 où l'imam Al-Barbahari rahmallah dit: on ne dit pas dans les attributs d'Allah, au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ou pourquoi, sauf quelqu'un qui doute sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne demande pas le comment ou bien le pourquoi, mais on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, car nul ne connaît le comment au sujet d'Allah si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça rejoint le point qu'a mentionné l'imam al-Barbahari rahimahullah juste avant, lorsqu'on a expliqué وَعَلَمَ رَحِمَكَ اللَّهَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي رَبِّ تَعَالَى مُحْدَثٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ. On a vu que le fait de vouloir questionner sur Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas questionné lui, c'est nous qui serons questionné le jour de la résurrection. Or Allah lui-même n'est pas questionné. وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي رَبِّي إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَالَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ. Et qu'on ne dit sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses noms et ses attributs, ce qu'il sait, seulement sur ce qu'il s'est attribué lui-même dans son livre, le Qur'an, ou bien ce qu'a éclairci et mentionné le messager d'Allah alayhi salatu wa salam à ses compagnons. فَهُوَ جَلَّ ثَنَاهُ وَاحِدٌ. On a expliqué qu'Allah tabaraka wa ta'ala est unique dans ses noms et ses attributs. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. On a vu que dans ce verset, nul ne lui ressemble, il est celui qui entend et qui voit tout, qu'il y avait une négation. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Rien ne ressemble à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais que cette négation, elle ne voulait pas dire qu'il fallait complètement renier les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui-même, a ramené l'ithbat, cette confirmation, juste après dans le verset, wa huwa as-sami' al-basir. Donc il s'est attribué lui-même deux attributs ici. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Et qu'Allah Azza wa Jal est le premier sans commencement et qu'il est le dernier sans fin. Et on a vu que cette éternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a en lui-même, on avait mentionné que le paradis est éternel, que l'enfer est éternel, que les gens du paradis sont éternels et les gens de l'enfer sont éternels pour ceux qui y restent éternellement. Mais on a bien mentionné que cette éternité, étant donné qu'elles ne sont que des créatures, que ce soit le paradis ou l'enfer ou les gens qui y demeurent, n'ont cette éternité que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette éternité. Alors que l'éternité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en lui-même, subhanahu wa ta'ala. Elle fait partie de sa sifa, de son attribut. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى. Et on a vu que l'imam Barbahari n'a pas omis de mettre ces deux phrases l'une après l'autre, qu'il connaît ce qui est secret et caché, et il est au-dessus, élevé au-dessus de son trône. Cela signifie, ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, est élevé au-dessus de son trône, et on sait que le trône est loin, de nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas ou ne voit pas. Rien ne lui est caché alors qu'il est au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ. Et que sa science touche chaque lieu, quel que soit le lieu. Allah Azza wa Jal sait ce qui s'y passe et il connaît parfaitement sa création subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري القرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبال رحمهم الله ومن قبلهم من الفقهاء ومن بعدهما والمراه فيه كفر. Le point numéro 13, l'imam al-Barbahari, rahmatullah alayh, mentionne que le Coran est la parole d'Allah. Tanziluhu wa nuruhu, qu'il a été descendu, révélé, et qu'il est sa lumière, et qu'il n'est pas une créature, car le Coran provient d'Allah. Or, ce qui provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même n'est pas une créature. Et c'est ce qu'a dit Malik ibn Anas, l'imam Malik, ou Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah ta'ala, ainsi que ceux qui étaient avant eux, parmi les grands savants de la Sunna, ainsi que ceux qui sont après eux deux, parmi les savants de la Sunna. Et rejeter cela, le fait de croire au contraire de cela, que le Coran est makhlouq, c'est de la mécréance. Qawluhu, والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة وكذلك الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فيرون أن القرآن مخلوق parmi la croyance des gens de أهل السنة والجماعة c'est que le Coran est la parole d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a véritablement parlé par le Coran. Et que ce Coran a été entendu de la part de Jibril alayhi salat wa salam, puisqu'il est l'ange chargé de la révélation. Et que ce Coran a été révélé et descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc la croyance. Et ne la contredit aucun parmi les gens de science qui sont sur la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Quant à ceux qui contredisent cela, parmi les gens de l'égarement, il y a Al-Jahmiyyah, ceux qui ont suivi Al-Jahm ibn Safwan, qui est le fondateur de Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah les ont suivis là-dessus, Al-Mu'tazila. Al-Jahmiyyah, ils disent donc que le Coran est une créature d'Allah, makhlouq, comme le disent Al-Mu'tazila, ainsi que Zaydiyya. Al-Zaydiyya, ne pas confondre avec Al-Yazidiyya. Al-Yazidiyya, hum ibad al-shaytan, hum ibad iblis. Hum yaqulun Al-Yazidiyya, anna iblis, awwalu min al-muwahhidin. لأنه ترك السجود أمام غير الله عز وجل يعني ترك السجود أمام آدم شوف الضلال هم يقولون أول من الموحدين إبليس ils disent Ils sont des adorateurs d'Iblis en vérité. Où ils disent que le premier des Mouahidin, yani des gens de l'unicité, c'est Iblis. Parce qu'il a refusé, il est le premier à avoir refusé de se prosterner devant un autre qu'Allah. Puisqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Et ils ont enlevé du Coran tous les versets qui montrent que Iblis est maudit sur l'A'na. Ils ne les mentionnent pas. Tout cela, ils l'ont enlevé. Fil harira, ibad, Iblis, ibad ou shayatin. Ça, c'est al-Yazidiyya. Al-Zaydiyya, c'est une autre branche qu'eux mentionnent justement et qui sont une branche de Shia, qui sont la branche la moins éloignée, c'est-à-dire la... Ils ne font pas partie de Ahl-Sunnah, parce que tout ce qui contredit Sunnah ne fait pas partie de Ahl-Sunnah. Mais dans toutes les branches de Shia, parmi les chiites, c'est la moins éloignée, puisqu'ils reconnaissent le khalifa de Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, radiallahu ta'ala anhum. Mais cela n'empêche pas qu'ils sont quand même fit dalal, qu'ils sont égarés, qu'ils font partie de l'mubtadi'a, des innovateurs, et ils considèrent que le Coran est makhlouq, que le Coran est une créature d'Allah, qu'elle ne fait pas partie de la sifat d'Allah, l'attribut d'Allah. Al-Kulihal, ils font partie de Shia, Al-Zaydiyya. Tout cela, on prie de l'Jahmiyya, hadhihi al-mas'ala, la question de khalq al-Qur'an, que le Qur'an est créé. Ya rahmatullah. Wa kadhalika al-Ibadiyya. Al-Ibadiyya, firqa min al-Khawarij. C'est un groupe aussi, égaré et égareur, mais qui découle de l'Khawarij. Et ils voient eux aussi que le Coran, makhlouq, que le Coran est créé. يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. Tout cela sont sur un منهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة, qui contredit le منهج des gens de la Sunna. Et ils voient tous que فيرون أن القرآن مخلوق, que le Coran est créé. لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم. Pourquoi est-ce qu'ils voient que le Coran est créé? Parce qu'ils ne considèrent pas qu'Allah, on lui attribue le fait de parler. كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة. Comme ils considèrent aussi qu'on ne peut attribuer à Allah le fait d'écouter, d'entendre, de voir, la vue, la science et la volonté. وَغَيَّرِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ, et d'autres choses encore. وَلَا يُوسَفُ بِأَنَّ لَهُ وَجْهًا وَأَنَّ لَهُ يَدَيْن إِلَا غَيَّرِ ذَلِكَ. Il considère aussi qu'on ne peut attribuer à Allah un visage. Alors que قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري أعوذ بوجهك. Alors que le prophète a dit أعوذ بوجهك, cherche refuge auprès de ton visage, yani le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna lahu yadayn, il refuse d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala de main et d'autres choses. Wa qasduhum min hadha, mais c'est quoi leur but? Quand quelqu'un parle d'un sujet, l'une des choses qui va te permettre de comprendre mieux ce qu'il dit, c'est de vérifier al-maqsoud, c'est-à-dire le but. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Si tu cherches d'entrée de jeu pourquoi la personne parle de ça, ça va mieux t'aider à comprendre pourquoi ce qu'il dit. Il y a des gens qui abordent des sujets, tu te demandes pourquoi il aborde ce sujet-là. Ce qu'il faut regarder, c'est le maqsoud. il veut en venir où ? C'est quoi le but d'avoir ramené ce sujet ? Pourquoi avoir ramené cette polémique ? Pourquoi avoir ramené ce sujet de discussion ? C'est quoi le but ? Est-ce que l'insan, il est là pour apprendre ? Et il veut le haqq ? Parce que c'est ce qu'il aime au-dessus de tout ? Ou bien il est là pour polémiquer ? Ou bien il est là pour essayer de ramener shubha ? Ou bien il est là pour essayer de convaincre les gens de changer de manhaj, d'aqidah ou autre. Man wal maqsoud. C'est-à-dire, avant de parler, on dira à la personne, pourquoi est-ce que tu ramènes ce sujet ? C'est quoi le but de cette discussion ? Limadha. Wa qala al-shaykh, wa qasduhum min hadha ifsad al-aqidah. Leur but, c'est quoi ? Ifsad al-aqidah, de corrompre la croyance. Wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzih lillahi 'azza wa jalla. An mashabahati al-makhluqin wa hadha za'm batil. فإن الصفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. Même si eux ils montrent que leur but c'est de ne pas faire ressembler Allah à sa créature. On va dire, on n'accepte pas le wajh comme sifat d'Allah, comme attribut d'Allah. On n'accepte pas le visage comme attribut d'Allah. On n'accepte pas les deux mains comme attribut d'Allah. On n'accepte pas la science comme attribut d'Allah. Pourquoi ? Parce que si vous dites ça, vous faites ressembler Allah à sa créature. Alors qu'Allah a dit « Laysa kamithlihi shay ». Il s'arrête là. Tu es obligé de lui dire, dis la suite du verset. « Wa huwa as-sami'u al-basir ». Donc même s'ils veulent montrer, soi-disant, du bien, qu'ils ne veulent pas faire ressembler Allah à sa créature, il en est autrement en vérité. Le but c'est « ifsad al-aqidah ». C'est que le croyant, il n'est pas cette aqida sahiha. Wada za'mun batil. Ar-Rab, jalla wa'ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, a des noms et des attributs qui montrent sa grandeur. Wa lil makhluqin asma'un wa sifatun taliqu bihim. وببشراتيتهم فلا تشبه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية. Les créatures ont des noms et ont des attributs aussi. L'insan, comment on l'appelle l'insan, le bachar. Un humain, on l'appelle un humain. On l'appelle pas un animal. Tayyib. Donc il a un nom et il a des attributs. Il a deux mains, il a un visage, il a une tête. Il a deux jambes, il a un corps. Si on n'attribue aucune sifat à qui que ce soit, ça on l'a dit, c'est la définition du néant. Chaque créature a une particularité bien précise, a des attributs bien précis. La fourmi, elle est petite, noire ou rouge, avec des pattes, etc., etc. L'être humain, il est comme ça. Chaque créature, elle a des attributs bien spécifiques. Mais est-ce que les créatures se ressemblent entre elles dans le kayfiyya, dans le comment ? Non. Est-ce que les pattes d'un chien sont les mêmes qu'un éléphant ? Non. Pourtant, les deux sont des créatures d'Allah. Mais les deux ont un nom spécifique, précis, et ont des attributs qui ne sont pas les mêmes. وَإِنْ كَانَتْ تَشْتَرِكُوا فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ وهذا ما يسمى بالمتوطئ لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. Donc même s'ils se rassemblent dans le sens et dans l'afd, c'est-à-dire dans comment on prononce la chose, une main c'est une main. Une main c'est une main. Liad liad. وفي المعنى المعنى on le comprend باللغة العربية اليد معروف. Quand tu dis en arabe اليد, ici c'est quoi اليد? Mais ne serait-ce que la main de créature, elle est différente. Voici ce qu'est le madhhab de Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa daliluhum ala dhalik fi kitabillah. Wa in ahadu min al mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Donc les gens de la Sunna reconnaissent qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala, il lui attribue la parole. Puisqu'Allah Azza wa Jalla dit hatta yasma'a kalam Allah, jusqu'à ce qu'ils écoutent la parole d'Allah, kalam Allah. Adaf al-kalam ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Donc ici Allah s'est attribué à lui-même kalam Allah, kalaman. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est attribué à lui-même la parole. Wa qala fil munafiqin yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ils veulent remplacer la parole d'Allah. Kalam Allah. Adafahu ila nafsihi. Subhanahu wa ta'ala. Ici encore une fois, Allah se l'est attribué à lui-même. Wal adillatu min as-sunna wa min ijma' al-umma kathiratun ala hadhihi al-mas'ala. Et les preuves sont nombreuses dans la sunna, ainsi que ijma' al-umma dans cette question. Fahiya mas'alatun yaqiniyatun bila shak. C'est une question de certitude sur lequel on ne doit avoir aucun doute. Wala yu'athiru fiha ikhtilafu ahli ad-dalal bi anna al-Qur'an kalam Allah wa huwa fardun min afrad kalamihi subhanahu wa ta'ala. Allah yatakallamu wa la yazalu yatakallamu mata sha'a idha sha'a wa bima sha'a mawsufun bil kalam. وهذا القرآن من أفراد كلام الله عز وجل تكلم بالتوراة والإنجيل وبالزبور ويتكلم بأمر والنهي يقول لشيء كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى يقول من يقول؟ الله سبحانه وتعالى أن يقول له كن فيكون. فأثبت لنفسه القول إذا قال الله يا عيسى. من قال؟ الله. إذا قال الله من يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. كلم موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام ومن كلامه القرآن الكريم. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, de la manière qu'il le veut et par ce qu'il veut. Mawsoufun bil kalam. Et on lui attribue al kalam, la parole, comme on l'a vu dans les versets d'avant. Allah tabaraka wa ta'ala huwa yatakallamu kayfa yasha mata yasha bima yasha. Subhanahu wa ta'ala. Allah parle comme il le veut, quand il le veut et de la manière qu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran est la parole d'Allah, comme le fut al-Tawrah, wal-Injil, wal-Zabur, comme le fut la Torah, l'Évangile et les psaumes. Yatakallamu bil-amri wal-nahi. Et Allah Azza wa Jalla parle en donnant des ordres et en donnant des interdictions. Et Allah Azza wa Jalla dit à une chose, soit et elle est, comme il l'a mentionné lui-même dans le Coran. Et l'ordre lui appartient, et lorsqu'il veut une chose, il dit « An yakoula kun fayakun »« An yakoula lahu kun fayakun » Allah, il dit à la chose « Sois et allez » Si il dit, c'est qu'il parle, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui « Al-qawl » Le fait de dire « Qala Allah »« Idh qala Allahu ya Isa » Comme Allah Azza wa Jalla a dit ici dans le Coran, lorsque Allah a dit à Isa, qui a dit? Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa, et il a parlé d'une parole que Moussa a entendue, puis il l'a envoyé à Pharaon. Ainsi Allah Azza wa Jalla, nous lui attribuons la parole, et parmi sa parole il y a le Coran ou le Karim, le Coran. Amma qawlu ahli al-dalal, أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله فنقول هذا من الافتراء والتلبيس والمضاف إلى الله قسمان الأول إضافة معان والثاني إضافة أعيان ici les gens de Dalal والمبتدعه ils disent que lorsqu'on dit كلام الله c'est une idafa c'est un rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala mais ça ne fait pas partie de lui. C'est vrai que même si c'est attaché à Allah, كلام الله, la parole d'Allah, ici la parole elle est rattachée à Allah, mais en vérité elle n'en fait pas partie. هم يقولون هذا مبتدعة. Nous disons هذا التلبيس. Ça c'est de la ruse, c'est essayer d'embellir les choses. Mais on n'oublie pas quoi ? المقصود. Pourquoi avoir dit ce genre de parole ? Pourquoi ne pas reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle ? Ainsi, cher, il dit ici, al-idafa, lorsqu'une chose est rattachée à une autre chose, c'est de deux sortes. Idafatu ma'an wa idafatu a'yan. Al-ma'ani, idafatuha ilallahi idafatu sifatin ila mawsufin, wa hiya idafatun haqiqiyya. فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. Lorsqu'un attribut est attribué, cet attribut fait partie de lui. كلام الله, comme la parole d'Allah. Comme السمع والبصر, le fait qu'Allah عز وجل voit, entend. العلم, comme la science et autres attributs. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت هذه إضافة مخلوق إلى خالقه وهي إضافة تشريف. رسول الله, بيت الله, كتاب الله. Lorsque tu vas dire بيت الله, la maison d'Allah, est-ce qu'elle fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Elle est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala fi bab al-tashrif, pour son honorabilité. يعني بيت الله كل مضاف إلى الله فهو أفضل قال الشيخ العثيمين رحمه الله كل مضاف إلى الله فهو أفضل. Tout ce qui est raccroché à Allah subhanahu wa ta'ala, l'idafa, l'appartenance, est meilleure que toute autre chose. Baytullah afdalu min al-buyut. La maison d'Allah, c'est la meilleure des maisons. Le livre d'Allah, c'est le meilleur des livres. Comme a dit le Nabi sallam, fa inna khayr al-kalam kalam Allah. Le meilleur, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Fahum khalatu bayna al-amrayn. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا. Ainsi, les gens de l'égarement en font une règle absolue et ils mélangent les deux règles. الْإِضَافَة, la question d'appartenance à Allah فِي بَبْ التَّشْرِيف, dans la question de l'honorabilité comme بَيْتُ اللَّهِ, sachant que بَيْتُ اللَّهِ ne fait pas partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre إِضَافَة, la question d'appartenance mais qui lui appartient en lui-même subhanahu wa ta'ala, comme la parole, al-kalam. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. C'est pour cela que les gens de la sunna, يعني العلماء, ont écrit des ouvrages sur cette question, sur كلام الله, dans les livres de croyance. Pourquoi ? لِيَرُدُّوا عَلَى أَهْلِ الضَّلَالِ, afin de corriger et contrer, réfuter les gens de l'égarement. وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهى. Si vous enlevez Allah et vous dénuez cette sifat d'Allah, vous êtes convaincu qu'on ne peut attribuer à Allah la parole, comment est-ce qu'Allah ordonne et Allah interdit ? كيف ولا يتكلم. Si Allah Azza wa Jalla ne parle pas comme vous dites, alors comment il ordonne et comment il interdit ? وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام ولكن هم يلذون بالتنزيه وليس هذا هو التنزيه هذا التعطيل وفرق بين التعطيل وبين التنزيه التنزيه هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا هذا هو التنزيه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وليس تنزيها ففرق بين التنزيه والتعطيل. Ce qu'ils font, eux, soi-disant, ils ne veulent pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas le faire ressembler à sa création. Yani, comme l'insan il parle, alors on ne considère pas qu'Allah il parle. Parce que sinon, on fait quoi ? At-tamthil, at-tashbih. Ça voudrait dire qu'on le fait ressembler à sa créature. En vérité, qu'est-ce qu'ils font ? Premièrement, première étape, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent la sifa. Ils ne le reconnaissent pas. Donc, premièrement, ils ne reconnaissent pas qu'Allah parle. Subhanahu wa ta'ala. Pour eux, Allah Azza wa Jalla yatakallam. Ils ne parlent pas. Thaniyan at-ta'til. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont interpréter. Puisque la parole de al-kalam, kalam Allah, qala Allah, il va falloir l'interpréter. Le fait de l'enlever, c'est une chose. Mais dans ce cas-là, tu nous donnes quelle information, quelle explication lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalam Allah » ou bien « Kalam Allah Moussa » Il va bien falloir expliquer « Kalam Allah Moussa » Et c'est là qu'ils vont interpréter. Donc ce qu'ils font, ce n'est pas le fait de réfuter seulement la sifa pour te dire « Non, on ne fait pas ressembler à Allah ». Non seulement ils font ça, mais en plus, ils vont rajouter une chose, c'est qu'ils vont interpréter, donner une nouvelle interprétation à Kalam Allah. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية. Et c'est là que rentre en jeu الأشاعرة qui disent, ils viennent avec une chose encore plus étrange que ce qu'on dit le Jahmiya. Pourquoi ? Parce que le Jahmiya, eux, ils ont dit le Coran, c'est une créature d'Allah. Tayyib. Al-Asha'ira, faqalu, kalamullah, yanqasimu ila qismin. Ils disent, la parole d'Allah est de deux sortes. Ma'an wa alfaz. L'essence, le ma'na, yani, wa al-lafz. La parole en elle-même. Le sens de la parole et la parole en elle-même. Al-ma'ani hiya kalamullah. Le sens, yani al-ma'na, c'est la parole d'Allah, ils disent. Fallahu yusafu bi anna lahu kalaman, wa huwa al-ma'na al-qadim al-qa'im bi nafsihi. Amma anna Allah yatakallamu bi harf wa bi sawtin, fahadha manfiyun 'indahum 'anillah. Le sens de la parole, ça vient d'Allah. Al-ma'na, tout ce qu'elle contient. Amma al-lafz, le son de la voix, as-sawt, ça on ne peut pas l'attribuer à Allah. Ça on ne l'attribue qu'à la créature. Ça veut dire que quand l'insan yaqra al-Qur'an, pour eux, Lorsque tu lis le Coran, oui, c'est la parole d'Allah, mais bil-ma'na, son sens. Mais l'afd, ce que toi tu récites là, c'est makhlouq, c'est créature. Ce n'est pas la parole d'Allah. À partir du moment où c'est toi qui la récites, il considère que c'est plus la parole d'Allah. C'est ta parole à toi, c'est toi. Makhlouq, là elle est créée. As-saut, la voix est créée. ويقولون هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى أما اللفظ فهو كلام المخلوق اللفظ يعني le son qui sort ils disent ce n'est plus la parole d'Allah mais c'est la parole de la créature أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire que c'est non plus la parole d'Allah mais ça devient à ce moment-là la parole de Jibril et la parole de ou bien la parole de Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'attribue plus cette parole à Allah, mais il l'attribue ou bien à Jibril ou bien à Muhammad alayhi salatu wa salam. فَجَعَلُوا الْقُرْآنَ مُكَوَّنًا مِنْ شَيْئِينَ مِنْ مَخْلُوقٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقٍ يعني أعجبوا من الجهمية. الجهمية te disent Qur'an مخلوق. Non, la Sha'ira va encore plus loin. مخلوق وغير مخلوق. فلا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق Donc à un moment ils te disent comme ils disent أهل السنة القرآن غير مخلوق et à un moment ils te disent comme ils disent الجهمية القرآن مخلوق كانوا مثل ما قالت النصارى في المسيح أنه مكون من شيئين من اللاهوت والناسوت ويقولون اتحد اللاهوت بالناسوت Ils disent et ils font exactement ce que font les chrétiens avec Isa ibn Maryam en te disant qu'il est un coup il est Dieu et un coup il est Rasoul un coup il est le créateur et un coup il est créature كيف هذا أو مخلوق أو غير مخلوق يا أخي ou bien les créatures ou bien les créateurs il ne peut pas être les deux en même temps le créateur il n'y en a qu'un Allah subhanahu wa ta'ala quant au reste elle مخلوق elle n'est que créature donc ils font avec la parole d'Allah et ils considèrent le Coran comme on fait al-Nasara les chrétiens avec Isa ibn Maryam فهمتم فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا. Donc cette question est une question très importante. ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن وأن المسألة لا تحتمل كل هذا. وهذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي سبحان الله Ils essaient de faire croire que cette question du Coran مخلوق أو غير مخلوق يعني c'est pas important L'essentiel c'est qu'on a le Coran Après مخلوق أو غير مخلوق créature ou pas créature خير إن شاء الله alors que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala alors qu'il y avait le Mu'tazila et autres min ahli al-bidah qui considéraient que le Coran était une créature ils l'ont enfermé en prison pour ça parce que lui il ne considérait pas conformément à la aqidah des gens de la sunna que le Coran était créé mais qu'il est bien une sifat, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison ils l'ont enfermé puis ils l'ont torturé on l'a ramené dans une pièce avec un bourreau le bourreau a pris un fouet et il a fouetté l'imam Ahmed. Il a dit, je l'ai fouetté tellement fort que j'aurais, si j'avais fouetté un chameau, je lui aurais enlevé sa peau. Et l'imam Ahmed, il dit, ce bourreau, comme l'a rapporté Cheikh Abdallah al-Bukhari, fi muqaddimatihi fi usul sunnah min al-imam Ahmed ibn Hanbal, fi sharahihi. Le bourreau, il dit, j'ai entendu l'imam Ahmed ibn Hanbal, alors que je le fouettais, je l'ai entendu faire une invocation pour mentionner que l'aura, yani que sa aura, elle ne soit pas dévoilée devant Ahlul Bidah. Yani il a fait le dua, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette partie-là, je ne sais pas si vous allez trouver dans le sharh, dans une autre partie. Mais à la kulli hal, vous pouvez revenir à Kalam de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Dans la Muqaddima, il explique toute cette histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Où il a fait le dua, il a demandé à Allah, ne dévoile pas mes parties intimes devant les gens de l'innovation. Et il dit le bourreau, Wallahi, j'ai vu le hizar remonter tout seul. Ali min karamat, hada rajul, min ahli sunnah. L'imam Ahmed ibn Hanbal. Puis ils l'ont fouetté, ils l'ont remis dans la cellule. Et les chefs de Ahlul Bidar, ils venaient comme ça. Ils avaient à leur contrôle le khalifa, le gouverneur, qui lui aussi partageait les mêmes ambitions et la même aqidah. Alors ils venaient et lui disaient, dis-le. Dis anna al-Qur'an ou makhlouq et tout est fini. Plus de souffrance, plus rien. On te laisse tranquille. Il en a pris un d'entre eux, il lui a dit, regarde en bas. Et en bas, il y avait tous les scribes. Les scribes, ceux qui écrivent l'histoire. Il a dit, regarde-les. Ils sont prêts à écrire, « Qala l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Abdillah, Al-Qur'an ou makhlouq. » Ils sont prêts à écrire, « L'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Abdillah a dit, le Qur'an est une créature. » Yani, dans quel sens ? Comme il a dit, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, dans l'explication, il a dit, Rahimallah, l'ulama, lorsqu'ils subissent la torture, ce n'est pas comme les gens de la masse. Les gens de la masse, si on leur dit, et il faut savoir qu'il n'y a pas que l'imam Ahmed qui a été torturé, d'autres ont été torturés. Certains ont dit ce qu'on voulait qu'on dise. Ils ont craqué sous la torture. Mais Allah Azza wa Jal, ils ne seront redevables en rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. On les a torturés. Tant que le cœur ne dit pas ce que la langue dit. D'autres, ils ont rusé, ils ont montré ça. Makhlouq, makhlouq. Yani le doigt. Mon doigt, il est makhlouq. Et il dit ça, makhlouq, makhlouq. C'est une créature. Pour ruser. L'imam Ahmed, il n'a rien dit. Il n'a ni fait ça, ni quoi que ce soit. Il a dit, regarde, ils sont prêts à écrire. Yani, si moi je le dis, des gens vont y croire à cette chose-là. Et je ne peux pas me permettre de dire une chose sur Allah subhanahu wa ta'ala sur laquelle il n'a pas révélé cette chose-là. Yani, je mentirai sur Allah. En gros, il préférait mourir que de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, ils l'ont mis dans la cellule, et la cellule d'à côté, c'était quelqu'un qui buvait. C'était un ivrogne. Muslim, mais il buvait. Et lui, il avait l'habitude. Toujours, il le ramenait en prison, toujours après le fouetter, après il le remettait, il sortait, recommençait à chaque fois. Et il avait une petite fenêtre comme ça qui donnait dans la cellule de l'imam Ahmed. Il lui dit, « Anta Ahmed ibn Hanbal ?» Pourquoi est-ce que l'imam Ahmed, il n'a jamais connu ça ? Mets-toi à sa place, subhanallah, on te prend, on te fouette, on te torture. Nassallah al-afwa wa al-afiyah as-salam. Il l'a regardé comme ça et ça l'a effrayé un peu l'imam Ahmed, cette situation. Il n'était pas bien ce jour-là. Il lui a dit, « Anta Ahmed ibn Hanbal ?» Imam Sunna ?» Il a dit, « Na'am. » Il lui a dit, « Oui, c'est moi. » Il dit, « Subhanallah, de quoi tu t'inquiètes ? Moi, je me fais fouetter pour du batil. Toi, tu te fais fouetter pour le haq. » Yani, ya akhi. Moi, ça me fait rien. Moi, ça y est, moi. Yani, tellement il avait pris l'habitude, il sentait plus rien. Mais moi, c'est pour du faux. Moi, c'est parce que je suis dans le battle, je connais le ma'asi, je commets des péchés. Toi, c'est pour le haq, c'est pour défendre aqidatu al-sunnah. Et subhanallah, cette parole-là, on dit que même il l'a reconnu, ça l'a. Yani, ça lui a redonné du courage. Alors que c'est qui à côté? Un fasiq. Mais ça lui a redonné du courage. Il lui a dit, c'est pour le haq qui te font ça. Et regarde-moi comment je suis. Alors que moi, c'est pour le batil. À la koulihal, il n'a jamais dit. Et il a tenu jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'arrivé sous le troisième khalifa, il l'a fait sortir. Il a dit, le gouverneur a dit, on va régler cette histoire. Il a ramené la tête de Muftadi'a et l'imam Ahmed à une table. Il a regardé, il lui a dit, écoute, c'est très simple. Ou cette mes'ala, le Qur'an ou makhlouq, le Qur'an a été créé. Ou le prophète, alayhi salatu wassalam, il le savait. Et ses compagnons, ils le savaient. Et dans ce cas-là, tu vas nous ramener le hadith. Il a devant lui l'imam Ahmed, celui qu'on dit l'homme ou un million d'ahadith, authentique et faible et inventé en même temps. Ça veut dire que s'il lui sort le hadith, l'imam Ahmed tout de suite il va savoir que hadith maudou ou da'if ou bi-isnad, avec la chaîne en plus. Ou bien, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le savait, comme tu dis, et ses compagnons, ils le savaient, mais ça veut dire qu'ils l'ont gardé caché, parce qu'on n'a aucun texte là-dessus. Ou bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais su, et jamais on ne lui a révélé cette chose-là. Ni Abu Bakr, ni Omar radiallahu anhum, ni Uthman, ni Ali. Mais toi, tu le sais. Ce qui paraîtrait étrange. Et on dit que le gouverneur, il a rigolé, parce que l'autre, il n'a pas su répondre en vérité. Regardez, il est revenu à quoi? C'est l'imam Ahmed. Il a l'adilla, il a l'istidlal. Hein? À chaque fois, on te dit, ouais, les frères, ils viennent, ils disent, ouais, mais il m'a dit, prouve-moi que c'est une bid'a. Et après, c'est pas à toi de prouver que c'est une bid'a. C'est une bid'a jusqu'à ce que tu aies un texte qui prouve que c'est une ibada. Donc c'est à lui de te prouver la chose. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le tour, il a parlé 100 ans. Non, il lui a dit une chose simple. Il y a un dalil? Il n'y en a pas. Classe. Alors le gouverneur, il a rigolé. Il a souri, il a délivré l'imam Ahmed, il lui a donné de l'argent et il l'a renvoyé dans son pays. Rahimallahu ta'ala. Pour ça, les ulama disent que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette umma, a sauvé l'islam par deux hommes. Abu Bakr al-Siddiq, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de tribus se sont retournées. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et il est l'une des grandes causes qu'aujourd'hui, tu ne dis pas que le Coran est makhlouq. Et après, ces gens-là, ils viennent dire, c'est rien, c'est une question parmi tant d'autres. C'est pas important, yani. Subhanallah. Hein? Ils te disent, non, l'histoire entre l'imam Ahmed et le Hukam, c'est une histoire de politique. C'est... Là, subhanallah, mas'alatu fil aqida. Ce n'est pas pour rien. Si tous les savants de la sunna, ils en ont parlé. Ouvrez n'importe quel livre de Ahl sunna fil aqida, il y a un bab là-dessus. Donc s'ils en ont parlé, c'est pas pour rien. C'est que c'est très important, puisque ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة إذا نفى أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا. Donc il dit, si tu regardes bien, tu vérifies bien, tu examines bien la chose, tu verras que cette mas'ala n'est pas une question à prendre à la légère. Et si on a enlevé le Coran comme étant la parole d'Allah, alors barakallahu fik, qu'est-ce qui va nous rester à nous les musulmans? Si le Coran c'est plus la parole d'Allah, qu'est-ce qui nous reste, subhanallah? Toute notre vie elle est basée sur le livre d'Allah, kalamullah. Et aujourd'hui tu veux me dire que kalamullah c'est pas kalamullah? إذا عدت إلى رب من صفات الكلام فهذا نقص في ربي سبحانه وتعالى لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. Si vous dites qu'Allah Azzawajal ne parle pas, alors ça voudrait dire qu'il n'est plus la divinité. Subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu adorer quelqu'un qui ne parle pas? Comment tu peux adorer une chose qui ne parle pas, alors que toi tu parles? Ça voudrait dire que ce que tu adores est plus fort que toi? Et moins fort que toi, yani? والله سبحانه وتعالى عاب على اليهود لما عبدوا العجل فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم Le veau d'or. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal a dit à l'Yahoud, ou Bani Sarahil? Ils adorent un veau d'or qui ne leur parle pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a dit. La yukallimuhum. Yani, comment vous faites pour adorer une chose qui ne parle pas? Alors que vous parlez. Al-qawi ya'budu al-da'if. Donc le fort, il adore quoi? Il adore qui? Le faible. Toi, tu parles, tu adores quelque chose qui ne parle pas. Quant à ceux qui disent, comme le Khuburiyoun, ils disent, comme il a mentionné Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah, certains min al-Khuburiyin, ils te disent, le mayyit yatakallam, sami'atuhu. Le mort, il parle, wallah, il parle, je l'ai entendu. Hada kalam al-shayatin, عند al-qabr. Ça, c'est les diables qui sont à côté de la tombe, qui se mettent à côté de la tombe et qui parlent. Mais étant donné que tu ne les vois pas, lui, il croit que c'est le mayyit qui parle. Pour leur faire croire. Al-Rab subhanahu wa ta'ala la buddha annahu yatakallamu wa yudabbiru wa ya'muru wa yinha. Le Seigneur, il faut qu'il parle, qu'il ordonne, qu'il gère son royaume, qu'il ordonne et qu'il interdise. فالله سبحانه وتعالى إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح الإلهية للإلهية للإلهية تعالى الله عما يقولون فهذه مسألة عظيمة ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات يعني c'est pour ça que l'imam Ahmed il est resté ferme sur ça comme une montagne ولم يتنازل ولم يتأول والصبر على المنحة على المحان على المحانة والصبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من ثلاثة خلفاء. C'est pour ça qu'il a patienté, comme on a expliqué l'histoire, durant trois cycles de khulafa, yani khalifa. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais interprété. Il aurait pu interpréter, il aurait pu ruser. Non, il a préféré patienter car il savait ce qu'il en était. Al-Hazil anna hadhihi al-mas'ala 'azima wa hiya muhimmatun jiddan. لا يتهاون بها ولا يقال كما يقول بعض الجهال والكتاب المثقفين أو الأشاعرة أو من نهى نحواهم هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام يعني n'en faites pas tout un je sais pas comment ils disent tout un plat un fromage tout un plat toute une histoire يعني n'en faites pas toute une histoire de ça يعني c'est rien c'est une مسألة mais c'est pas grand chose يعني وهذه الردود قد يحتاج الإمام أحمد عليهم بقوله حتى يسمع كلام الله وقال الله تبارك وتعالى كذلكم قال الله من قبل قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول كم لو rapporté الإمام أحمد comme preuve il a ramené ce verset حتى يسمع كلام الله jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah يسمع كلام الله jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. وقال الإمام البربهاري رحمه الله وتنزيله أي القرآن أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا واضح وجلي ومع هذا فيأتي من يقول القرآن مخلوق غير منزل. Donc, watenziluhu, la descente du Coran, il a dit les mêmes al-Barbahari ici. C'est-à-dire le Coran qui a été révélé, descendu sur Muhammad alayhi salat wa salam par l'intermédiaire de Jibril, comme Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné, nazala bihi, yani bi'ash. Mais le Coran, nazala bihi ar-ruhul amin, man huwa ar-ruhul amin, wa Jibril alayhi salam. Donc, le Coran a été descendu par l'intermédiaire de Jibril sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Et cela est clair. Et avec cela, certains viennent et disent le Coran est une créature qui n'a pas été descendue. Wallahu lam yatakallam bihi. Et Allah n'a pas parlé par cela. Wallahu la yusafu bil kalam, ta'ala Allahu amma yaqulun. Et on n'attribue pas à Allah la parole. Wa qawluhu al-imam al-barbahari rahmallah wa nuruhu. Wa nuruhu, sa lumière. القرآن يوصف بأنه نور قال الله تبارك وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كما الله اسك الله سبحانه وتعالى appelé son Coran sa parole نور la lumière نورا une lumière نهدي به من نشاء من عبادنا nous guidons par cela c'est-à-dire par le Coran par cette lumière qui nous voulons parmi nos serviteurs. وَيُسَّمَّ رُوحًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا روح. Il l'appelait aussi comme روح. Comme Allah عز وجل a dit أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا Nous avons révélé pour toi روحًا الروح روحٌ لِأَنَّ الْقُلُوبُ تَحْيَى بِهِ الْقُلُوبُ تَحْيَى بِهِ يعني بالقرآن Une âme. Il l'a mentionné comme étant l'âme. Pourquoi ? Parce que les cœurs vivent par le Coran. كَمَا أَنَّ الْأَبْدَانَ تَحْيَ بِالْرُوحِ فَهُوَ الْرُوحُ الْقُلُوبِ وَالْرُوحُ الْمَعْرُوفَ رُوحُ الْأَبْدَانِ فَهُوَ نُورٌ وَهُوَ رُوحٌ وَهُوَ هُدَى وَهُوَ تَذْكِرَةٌ وَمَوْعِذَةٌ وَلَوْ أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَتِهِ Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Coran Ar-Ruh. Pourquoi ? On sait que le corps il ne vit que s'il y a, il y a quoi à l'intérieur ? L'âme, Ar-Ruh. Et ainsi Allah azza wa jalla a appelé le Coran Ar-Ruh. Ar-Ruh, pourquoi ? Parce qu'elle fait vivre les cœurs. Comme l'âme fait vivre le corps. Donc ce Coran est quoi ? Nourun wa ruhun wa huda. Il est une guidée, il est une lumière, il est l'âme. وَتَذْكِرَ وَمَوْعِذَ Il est un rappel. وَالْمَوْعِذَ Il est une مَوْعِذَ Une exhortation. Et il a beaucoup de noms, ce qui prouve que ce qui prouve sa grandeur. Plus une chose a des noms, plus elle est grande. Allah subhanahu wa ta'ala a plus de 99 noms. Subhanahu wa ta'ala. Comme le Coran a beaucoup de noms, comme Yom al-Qiyamah, As-Sa'a, Al-Qiyamah et autres. Plus la chose elle a des noms, plus elle est importante. Wa qawluhu li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bimakhluq. Ensuite l'imam al-Barbahari a dit car le Coran vient d'Allah et ce qui vient d'Allah ne peut être une créature. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق فهو خالق وغير مخلوق الله سبحانه وتعالى par ses noms et ses attributs n'est pas une créature il est le créateur et tout ce qu'il y a en dehors de lui est créature فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة لأنها من الله وما كان من الله فهو غير مخلوق بمعنى أن الله يوصف بها فالله بأسمائه وصفاته خالق Ainsi, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des créatures. Ce ne sont pas des créatures, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils sont Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et ce qui est en dehors d'Allah est considéré comme une créature. Yani al-khaliq wa al-makhluq. Simple. Il y a le créateur. Et il y a les créatures. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal se les est attribués, ses attributs et ses noms. Donc Allah a des noms et des attributs qui font de lui qu'il est Al-Khaliq, le créateur, subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu l'imam al-Barbahari, rahimahullah, wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Hadha qawlu al-a'imma wa minhum Malik, إمام دار الهجرة يعني المدينة والإمام أحمد الذي عذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر وغيره من أئمة أهل السنة هذا قولهم Est-ce qu'il y a que l'imam Ahmed et l'imam Malik qui disent ça? Non, tous les savants d'Ahl Sunnah. حتى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذلك في عقيدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة أهل السنة والجماعة الله عز وجل a révélé à son prophète عليه الصلاة والسلام que le Coran est bien sa parole et le prophète عليه الصلاة والسلام considérait le Coran comme étant la parole d'Allah et il croyait en cela ainsi que ses compagnons رضي الله تعالى عنهم et il ne divergeait pas là-dessus. ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. Donc ils n'étaient pas les seuls à dire cela, mais c'était bien avant eux الصحابة والتابعين وأتباع التابعين, ces trois générations ainsi que ceux qui sont venus après qui avaient la même عقيدة là-dessus. وقوله والمراه فيه كفر المراه في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق أو أن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري المسألة خلافية كما يقولون الآن. Le fait de douter, ne serait-ce que de douter que le Coran est la parole d'Allah, ceci est de la mécréance. Yani l'insan dit je sais pas, peut-être que c'est créature, peut-être c'est création, peut-être c'est kalam Allah, c'est pas kalam Allah, ou bien le fait de dire fi khilaf, puisque ça c'est beaucoup la mode, à chaque fois que tu ramènes un sujet, fi khilaf. Et des khilaf partout, subhanallah. Faqad zaharat zahiratun l'an. Yaqulun. En vérité, ce qui ramène Cheikh Al-Fawzan ici, c'est valable dans tous les sujets. Et c'est pour stopper, comme ils appellent ça, cette hémorragie de dire khilaf partout. Sauf que quelquefois il y a vraiment un khilaf, mais fil aqida il n'y a pas de khilaf. Quand il y a khilaf, il y a khilaf. Fil aqida il n'y a pas de khilaf de toute façon. Mais il se peut qu'il y ait une mas'ala, par exemple dans le fiqh, où il y a un khilaf. Il y a une divergence entre ulama. Tayyib. Ce qu'il va dire là, c'est valable, surtout encore plus à notre époque ici, parce que beaucoup ramènent toujours cette chouba, cette ambiguïté. À chaque fois que tu ramènes un sujet qui est clair chez les gens de la sunna, où tous les savants de la sunna de nos jours jusqu'au jour d'avant, ils ont toujours cru à cette chose-là, il te dit, fi khilaf. Tayyib, ماذا قال? Il apparaît ce qu'il apparaît aujourd'hui. يقولون المسألة خلافية. Ils te disent, c'est une question sur laquelle il y a divergence. فنقول عند الاختلاف المتبع الدليل. المتبع الدليل. Nous disons, s'il y a divergence, on se doit de suivre la preuve. On diverge, tayyib. Wahad, il pense comme ça, l'autre il pense comme ça, l'autre il croit comme ça, l'autre il croit comme ça. Tayyib. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va suivre al-dalil. Fama tu'ibadna bi khilaf al-nas wa aqwal al-nas. Tu'ibadna bi dalil. Fana'ridu al-khilaf ala al-dalil. Donc ce khilaf, il n'a qu'un juge, c'est quoi? Al-dalil. Non pas ce que dit Foulain ou Foulain ou Foulain, ou ce que croient les gens ou ce que pensent les gens. Il va falloir qu'on règle cette divergence, parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Et pour régler cette divergence, il va falloir qu'on se mette, toi et moi, sur Ad-Dalil, la preuve. Ma qama alayhi Ad-Dalil fahuwa Al-Haq. S'il y a une preuve, ce sera la vérité. Ce sera considéré comme étant la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a preuve. Ma khalafa ad-dalil fa huwa al-batil. Ce qui va contredire cette preuve que l'on tient du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où ça contredit, ça devient quoi? Al-batil, ça devient le faux. Wallahu lam yatrukna lil ara'i wal aqwali wal khilafi bal qala فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas abandonnés sur une manière de penser, une manière de voir, ou bien sur des paroles, قِلْ وَقَالْ الْأَقْوَالْ, ou bien خِلَافْ, sur une divergence. Mais il nous a ordonné une chose, il nous a dit فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. فِي شَيْءٍ, quelle que soit la chose, si vous divergez dans une chose, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ renvoyez-la à qui ? À Allah et son messager, عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. Et s'il diverge sur une chose, il diverge sur une chose, فيه من شيء فحكمه الى الله, son jugement appartient à Allah. طيب, aujourd'hui est-ce qu'on va faire comme ils ont fait le Khawarij lorsqu'ils ont dit Ali ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه أنت تحكم يعني أنت كافر. Ils ont rendu mécréant Ali ibn Abi Talib parce qu'ils ont dit que il juge à la place du Coran. Il juge à la place du Coran, à la place d'Allah, puisqu'ils disent الحكم إلا لله, car le jugement n'appartient qu'à Allah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le mushaf comme ça, il a posé le Coran comme ça, il a pris un bâton, il a tapé comme ça, il a dit احكم احكم بيننا. Vous dites que je suis un kafir parce que je juge parmi les gens, alors que le jugement n'appartient qu'à Allah. D'accord. Vous êtes d'accord qu'on doit revenir au Coran? C'est le Coran qui va nous juger. On revient au Coran. Ils ont dit oui. Tayyib. Il a pris le Coran, mushaf, il a mis un bâton comme ça. Il a dit ya احكم بيننا. Vas-y, juge entre nous, juge. Yani, qu'est-ce que vous racontez? Il faut bien quelqu'un, il faut bien l'ulama, des savants, et wa huwa min as-sahaba radiyallahu ta'ala anhu, qui lisent le Coran et qui a l'explication tirée même de la bouche même du prophète alayhi salatu wassalam. Puisque Ali ibn Abi Talib, il était un savant dans le tafsir. Et de là, il pouvait retirer les jugements afin de pouvoir juger entre les gens. Est-ce que le Coran va parler comme ça tout seul? La ya akhi. Dans ce cas-là, il n'y a plus de qadi, il n'y a plus de ulama. Le qadi, il sert à quoi, le juge? Si ce n'est que pour juger entre deux groupes ou deux personnes, bil kitab wa sunna. Hada huwa. Donc envoyez-le à Allah et à son messager. Fayajibu raddu ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Fayukhadhu ma qama alayhi ad-dalil wa yutraku ma khalafa ad-dalil. Ainsi nous obligatoire de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et pour cela, il faut revenir à qui ? Al-ulama, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes qui sont les savants. Et de là, on prendra maqam alayhi ad-dalil. On prendra la preuve qui vient du livre d'Allah et de la sunna. Wa yutaraku ma khalaf ad-dalil. Et nous abandonnerons ce qui contredit la preuve. Amma alladhi ya'khudhu al-qawl alladhi yuwafiqu hawahu aw shahwatahu. ولو خالف الدليل فهذا ضل وهذا يعبد هواه أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Qu'est-ce qu'il dit? Quant à celui qui a pris la parole, il a pris une parole qui coïncide avec ce qu'il croit, en délaissant le dalil, en délaissant ayah min al-Qur'an, en délaissant hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a contredit la preuve et ceci est de l'égarement. Celui-ci ne fait qu'adorer sa passion. Celui-ci ne fait qu'adorer sa passion. Quant à celui qui adore Allah, celui-ci a pris la preuve tirée du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Voilà en ce qui concerne ce point sur Kalam Allah. Et on voit bien que ce n'est pas un point qui est à minimiser, car cela dépend. Hein, cela va faire en sorte que tu aies une bonne croyance, que tu aies une bonne aqidah, et que tu crois sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu dois croire. Hein? Que tu crois sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a demandé que l'on croit sur lui. D'une créature à une créature, est-ce que tu aimes que les gens croient des choses sur toi qui ne sont pas vraies? Personne ne l'accepte, cette chose-là. Il n'y a pas. Il n'y a qu'un fou qui est content qu'on dise des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Mais des choses mauvaises, yani. Min al-makhlouq il al-makhlouq. comment tu peux t'avancer à croire des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala sur laquelle il n'a descendu aucune preuve? Aucune preuve. Et que tu t'amuses à dire des choses sur Allah sur laquelle il n'a rien dit. Subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqak wa razaqak. Celui qui t'a créé, qui t'a donné la subsistance. Celui vers qui tu vas retourner, celui vers qui tu seras présenté yom al-qiyam. Ainsi, on voit l'importance d'avoir une aqidah sahiha, d'avoir une bonne croyance. Et le fait que tu sois convaincu et que tu crois fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Qur'an, lorsque tu liras le Qur'an, ça va laisser des traces dans ton cœur. C'est que lorsque tu liras le livre d'Allah, tu diras الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى. Celui qui m'a ordonné là dans ce verset, c'est Allah. Il a parlé par ce Coran. Celui qui m'a interdit, c'est Allah سبحانه وتعالى. Tu vas prendre conscience qu'on lit pas le Coran comme on lit un autre livre. Kalam Allah, ce n'est pas comme un autre livre. Les autres livres sont des livres qui sont la parole des gens, des hommes. Kalam Allah, c'est Kalam Allah, le Khaliq, tabaraka wa ta'ala. C'est le seul livre. Tu le lis plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, il y a toujours des fawaïd à retirer. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu apprends. C'est le seul livre par lequel on peut guérir quelqu'un. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala bi ruhiya al-shar'iyya. Barakallahu fikum, shar'iyya. La vraie ruhiya selon la sunnah. Non pas tout ce qu'on entend aujourd'hui à droite à gauche. Kalam Allah. Harfun min kitabillah, ashra hasanat. C'est le seul livre, si tu lis une lettre, t'as dit hasanat. C'est le seul livre qu'on a le droit de lire dans nos prières. Kitab Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu peux lire le hadith dans la salat? Non, tu peux pas, c'est interdit. Ta prière est fausse. Kalam Allah, azza wa jal. Tayyib. ومن الفوائد قال الشيخ سحيمي الشبهة الصغيرة والكبيرة لكن هذه المسألة كلام الله عز وجل شبهة في هذا في كلام الله شبهة كبيرة. Les ambiguïtés, il y en a des petites comme il y en a des grandes, mais le fait de parler sur ce sujet, d'avoir une ambiguïté sur ce sujet, c'est une grande ambiguïté. Elle est considérée comme une grande, très grande ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu mata yasha, kayfa yasha, idha sha'a, bi tariqatin la ya'lamuha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, comme il le veut, quand il le veut, par le moyen que seul lui connaît subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرأ le sujet de la semaine prochaine بإذن الله تعالى sur الرؤية يوم القيامة, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection.